suis connecté. Vas-y. Attends, je coupe mon micro sur Skype. Nico, tu me dis quand ça signe? Ouais. Enfin, ou quand tu reçois? Attends, non, mais fais un... Comment? Nirvana, là... Je sais pas la jouer. Non, mais fais Nirvana, comme Azure. Bah moi c'est ce que je vais faire aussi parce que... Bah quoi? Et au pire, t'as pas fait ouais, Wonderwall. Je me colle à toi. Par contre, t'entends pas. Thank you. Thank you.